le baron avait commencé par garder le plus strict décorum. Mais sa passion pour Madame Marneffe était en peu de temps devenue si vive, si avide, qu'il désira la quitter le moins possible. Après y avoir dîné 4 fois par semaine, il trouva charmant d'y manger tous les jours. 6 mois après le mariage de sa fille, il donna 2 000 francs par mois en titre de pension. Madame Marneffe invitait les personnes que son cher baron désirait traiter. D'ailleurs, le dîner était toujours fait pour 6 personnes. Le baron pouvait en amener 3 à l'improviste. Lisbeth réalisa par son économie le problème extraordinaire d'entretenir splendidement cette table pour la somme de 1 000 francs et donner 1 000 francs par mois à Madame Marneffe. La toilette de Valérie étant payée largement par Crevel et par le baron, les deux amis trouvaient encore un billet de 1 000 francs par mois sur cette dépense. Aussi, cette femme si pure, si candide, possédait-elle alors 150 000 francs d'économie. Elle avait accumulé ses rentes et ses bénéfices mensuels en les capitalisant et les grossissant de gains énormes dus à la générosité avec laquelle Crevel faisait participer le capital de sa petite duchesse au bonheur de ses opérations financières. Crevel avait initié Valérie à l'argot et aux spéculations de la bourse, et comme toutes les Parisiennes, elle était promptement devenue plus forte que son maître. Lisbeth, qui ne dépensait pas un liard de ses 1 200 francs, dont le loyer et la toilette étaient payés, qui ne sortait pas un sou de sa poche, possédait également un petit capital de 5 à 6 000 francs que Crevel lui faisait paternellement valoir.